Du 22 au 24 juin, participe au week-end des régates de Saint-Félicien. Les régates, c'est 75 hydroplanes et des équipes de partout en Amérique. C'est aussi la soirée de démonstration de voitures de performance. C'est des spectacles à tous les soirs. Venez aussi en famille et profitez de la zone familiale avec jeux gonflables, clowns et maquillage pour enfants. Joins-toi aux 5000 visiteurs annuels et achète tes billets en ligne au régatesdesaintfélicien.com. On va parler de boxe avec notre ami Bernard Barry. C'est un combat qui est attendu par les amateurs de boxe du Québec. Simon Keane va affronter l'ancien joueur de la Ligue canadienne de football, Adam Bradwood. Ça aura lieu à Shawinigan, au Centre Trois-Gervins. On en parle avec Bernard Barry. Salut Bernard. Oui, ben salut Danny. Oui Bernard, si on parlait, c'est un affrontement qui était attendu depuis longtemps, puis... Tu sais, à la boxe, des fois, on dit, ils font ça pour le show, mais est-ce que je me trompe en disant qu'ils n'ont pas de l'air à s'aimer trop? Oh non, pas du tout. Hein. Depuis la victoire de Bradwood sur Martel, il avait passé Martel knockout, qui est un grand ami à King. Ben, par la suite, Bradwood, il a comme senti qu'il y avait de quoi faire. Il était au Québec. Et il s'est mis à écœurer un petit peu Simon King, qui, dans le fond, est considéré comme un boxeur d'avenir au niveau international, tout comme Oscar Rivas. Mm. Donc, il s'est mis à l'écœurer un peu sur les réseaux sociaux. Puis King, il est pas en reste, lui répondait. Donc, ça a fonctionné une couple de semaines, une couple de mois. Et ça s'est étiré au point où, là, finalement, les promoteurs des deux athlètes ont réussi à organiser ce combat-là, qui fait en sorte que, finalement, ces deux boxeurs qui ont beaucoup, beaucoup de charisme et beaucoup de puissance, surtout, et on est chez les poids lourds. Donc, ça a suscité les passions et on peut s'attendre à ce que l'aréna Jacques Plante, là-bas, pas l'aréna Plante, Gervais de Shawinigan, va être rempli à pleine capacité et on va avoir énormément d'ambiance. OK. Évidemment, le poids lourd, les poids lourds sont au niveau du poids sont moins... regardés, sont moins vérifiés que... Il n'y a pas de limite de poids là, chez les poids lourds, c'est ça que je voulais dire. Est-ce que qui va être le plus pesant sur le ring? Ben, pour moi, ça va se ressembler pas mal. Les deux tournent souvent à l'entour de 2,40. Et on peut penser vraiment que les deux n'auront pas d'avantage à ce niveau-là. Et les deux sont en très, très bonne condition physique. On fait des camps d'entraînement. On parle de grands, de gros gars en bonne forme. Là. Donc, ils sont impressionnants. On a juste à se rappeler quand Bradwood s'est battu contre Martel. Et il a un physique impressionnant. Puis c'est un joueur de un ex-joueur de football. Donc, tout le monde se rappelle à quel point il avait marché sur Martel et il avait obligé. Martel, ça avait pu lui se mettre le long des cordes tellement que Bradwood était agressif. Et on sait que King, il n'y en a pas de reste, là, ce gars-là, à 6 pieds 5, 240, bien souvent 250. Donc, on va avoir un quart de tonne sur le ring et on ne comptera pas l'arbitre. OK. Bernard, où est-ce qu'il peut... tu sais, je me rappelle, il y a 10 ans, il y avait des poids lourds. Patrice Lheureux venait, David Cadieux venait de la Mauricie, là, c'est Simon King. Il y a eu Jean-François Bergeron qui s'est battu également contre Valouev. Est-ce que Simon King peut aller plus loin que tous ces boxeurs-là? Ben, Simon King, c'est certain, si on prend Cadieux puis Lheureux, ces gars-là n'ont pas passé près de se rendre aux Jeux olympiques. Bergeron s'est rendu en 96, ça a mal été, ça a pas duré longtemps. Mais King s'est quand même rendu aux Jeux olympiques en 2012 à Londres et avait battu Tony Yoka, le Français, qui lui, 4 ans plus tard, est devenu champion olympique. Okay. Donc déjà là, ça donne une idée de son calibre. Il avait perdu contre Ivan Dechko, la tour infernale kazakh, qui 6 pieds 9, et il lui avait donné un bon combat. Donc, tu sais, on voit déjà, et en plus, Simon King a participé 2 fois aux Jeux panaméricains, a affronté des grosses pointures chez les amateurs. Donc, il est mieux équipé, lui, que peut-être les autres, pour justement avoir la chance de grimper dans les classements au niveau professionnel, parce que souvent, le passé garant de l'avenir, et King a fait ses devoirs. Là, maintenant, est-ce qu'il va se rendre, c'est une autre chose. Et Bradwood est un bon test pour lui, parce que Bradwood, c'est sûr, sur talent, là, c'est sur papier, là, tu mets les deux un à côté de l'autre, Bradwood, c'est un joueur de football, il n'a pas de carrière amateur, il n'a battu personne, là, si tu regardes ça à part Martel. Il est dangereux. Déjà, Tim Hag, Il a vraiment été battu par lui, puis finalement, il s'en allait à la mort. Plate à dire, mais c'est ça. Donc, c'est quand même un boxeur de puissance. Mmh. Mais d'un autre côté, si on prend ça sur papier, on peut pas s'imaginer que là, Redwood a des chances à ce niveau-là. Lui, sa chance, elle va se passer là en partant. Là, parce qu'on sait que King a déjà été imprudent en début de combat. C'est déjà fait shaky là, au premier round à quelques occasions. Et là, peut-être que Redwood va jouer le tout pour le tout. Et on sait jamais, parce que là, dans ce monde-là, ça frappe tellement fort chez les poids lourds. C'est un bon coup de poing bien placé, mais peut fermer les lumières. Mais c'est certain que lui, plus le combat va s'étirer, plus l'expérience et les qualités de boxeur de King vont faire la différence. OK. Donc, tu y vas avec King, quoi, 8e round à peu près? Pas avant ça, moi. J'ai l'impression qu'au 8e round, je vais être plus haut. Ah, OK, OK. Donc, il y a Yves Ulysse également qui se bat, hein? Oui, Yves Ulysse, effectivement, se bat contre un boxeur qui a quand même une belle fiche. Ernesto Espagna, d'une famille de boxeurs. On s'appelle son père, son grand-père. On fait les beaux tours de la boxe professionnelle au Venezuela puis international. Et lui, il a une fiche de 25 victoires, un combat nul, 20 victoires par knockout. Mais quand on cherche qui a affronté, il n'a pas eu des gros adversaires très dangereux. Il est maintenant rendu à 36 ans. Donc, il va mettre en jeu sa fiche immaculée contre Yves Ulysse Junior. Puis lui, il a été impressionnant ces derniers combats, là, si on se rappelle bien, là, ses combats contre Ochoa, Sismondo, Seldin. Donc, si on accepte là, la petite tâche qu'il y a eu contre Claguette, qui est sa seule défaite, et sincèrement, c'était très discutable, Yves Ulysse, ben là, il revient. Il devrait dominer, en tout cas techniquement, intelligemment, un boxeur comme Espagna qui va en avoir plein les bottines de boxeur aussi bien préparé et illusif que Junior Ulysse. OK, donc on va surveiller ça de très près. Hey, puisqu'il est question de la boxe nationale, puis après la pause, on va parler de boxe internationale. Il y a Marie Abdicaire qui a gagné. Hein? Oui, Marie Abdicaire, un super beau combat. Les gens, un des meilleurs qu'on a eu à Montréal, en tout cas la boxe féminine, ça c'est certain. Les gens se sont levés après le combat. L'Argentine, Avellaneda, a tout donné et il y a eu des échanges furieux, là, surtout en fin de combat. Là, Avellaneda était venu ici pour gagner, là, ça c'est sans aucun doute. Et Dicker n'a pas refusé la bagarre. Donc, ça a donné des moments très intéressants. Et quand le combat a terminé, une décision unanime pour Dicker, les gens se sont levés debout instantanément pour souligner la performance des deux athlètes. Donc, c'est un gros plus là pour la boxe féminine. Ils ont marqué énormément de points dans ce combat-là. Les gens veulent revoir ça. Donc, Maria Dicker, tranquillement, avec sa 12e victoire en ligne, est en train, elle, là, de se faire un nom, là, elle est deuxième au monde actuellement, elle va probablement avoir une chance de se battre en combat de championnat du monde quand même assez rapidement. Donc, tout le monde est sorti de là, très, très satisfait de ce qu'ils ont vu. On a eu une belle soirée. Et avec une finale comme ça, ben, on peut pas faire autrement qu'être heureux, là. C'était, wow! Bernard, est-ce que Marie-Ève Dicker, parce que là je vais t'emmener sur le UFC, là, OK? Puis je sais que tu connais pas le UFC, mais je vais te nommer un nom, Ronda Rousey, qui a été une vendeuse incroyable pour le UFC. Elle a fait avancer de beaucoup, beaucoup, beaucoup les arts martiaux mixtes du côté féminin. Est-ce que Marie-Ève Dicker pourrait, parce qu'elle a une belle personnalité, elle est jolie, elle s'exprime bien. Est-ce que Marie-Ève Dicker pourrait faire avancer la boxe féminine un peu comme Ronda Rousey l'a fait? Sans aucun doute, Marie-Ève Dicker, elle a une belle personnalité, beaucoup de charisme et elle s'améliore de combat en combat. Elle est consciente, c'est une fille intelligente. Une fille qui a été championne canadienne amateur en 2013, qui a remporté deux fois le ringside, le gros tournoi à Kansas City chez les amateurs. On n'est pas gêné de la voir dans les médias. Elle est très, très articulée et très intelligente. On l'a vu d'ailleurs à Tout le monde en parle, qui est à souligner, là, où elle a fait une performance là, qui est impressionnante. Donc, c'est certain que effectivement, elle peut réussir à faire avancer la boxe féminine, ça, c'est sans aucun doute. Là. C'est, dans ces affaires-là, ça prend des têtes d'affiche, des têtes qui vont retenir l'attention. Et comme tu l'as bien dit, ben Maria Duterre, là, c'est, on est content de l'avoir là, puis on va souhaiter de l'avoir là longtemps, puis on va le souhaiter de l'avoir avec une ceinture de champion du monde, ce qui multiplierait par deux ou par trois encore sa popularité. Là. OK, on va faire une pause, on revient dans quelques instants, on va parler de la boxe internationale. Deux grosses nouvelles au cours des derniers jours sur la boxe internationale. Vous êtes à l'écoute d'une entrevue avec Bernard Barré sur les ondes. Du 22 au 24 juin, participe au week-end des régates de Saint-Félicien. Les régates, c'est 75 hydroplanes et des équipes de partout en Amérique. C'est aussi la soirée de démonstration de voitures de performance. C'est des spectacles à tous les soirs. Venez aussi en famille et profitez de la zone familiale avec jeux gonflables, clowns et maquillage pour enfants. Joins-toi aux 5000 visiteurs annuels et achète tes billets en ligne au regattesaintfélicien.com. On est de retour à danradiosport.com. Bernard, grosse annonce qui a été faite hier. Ça va être, écoute, ça devait avoir lieu en mai. Et on connaît l'histoire d'Alvarez. Et là, c'était reporté. Ça va être au mois de septembre maintenant. Et à quelque part, c'est peut-être une bonne affaire parce que j'ai l'impression que c'est encore plus lucratif que ça aurait été au mois de mai pour les deux boxeurs. Est-ce que je me trompe? Toi, tu veux dire pour le combat entre Saul Alvarez. Ouais, c'est Golovkin. Il devait avoir lieu au mois de mai. Il devait avoir. Clairement, dans un monde idéal, là, Danny, il aurait fallu que ça ait lieu. Cinco de Mayo, là, le 5 mai. Okay. Parce que c'est la fête des Mexicains. Tout était préparé pour ça. L'argent était à sa table. Ces gars-là auraient sorti de là avec des bourses incroyables, de tellement de millions. Ça a foiré à cause du test anti-doping de Alvarez. Là, on remarque en septembre. C'est mieux de faire ça rapidement. La déception était tellement grande. Ça a cassé le party. Cela, tout le monde s'attendait au combat de l'année. Le premier combat avait été très intéressant, un combat nul, mais même si tout le monde a vu Golovkin gagner, on n'a rien compris là-dedans, mais Vegas, c'est Vegas. Mais une chose est sûre, c'est que là, mettant ça tout de suite sur la table, je suis bien de régler ça parce que ça a laissé beaucoup de gens amers. Le fait, c'est quand un boxeur est blessé, puis combat remis, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, il est blessé. Pas d'un sport d'équipe. Ouais. Donc, mais là, le fait que c'était un test anti-doping, mais Alvarez a perdu bien des plumes là-dedans, là. Il y a bien des partisans qui ont désenchanté avec son histoire là, de viande avariée, puis fond, etc. De remettre ça tout de suite là, pour essayer autant que possible de mettre toute cette histoire-là en arrière, ben, on est bien content de ça, parce que c'est un combat qui va être regardé par la planète en entier. C'est deux des meilleurs livres au monde. Deux styles qui sont différents, mais qui se complètent bien. C'est deux boxeurs existants, surtout ça, deux boxeurs puissants. Donc, on a la recette et personne ne va vouloir manquer ça. Mais sincèrement, c'est comme un prix coco parce que la grosse affaire, j'étais le 5 mai. OK. Il y a un autre aussi qui va être très, très lucratif. Tantôt, on parlait du combat Cain Bradwood, mais ça, c'est rien comparé à ce qui s'en vient entre Joshua et Wilder. Hein. C'est Joshua qui est en pleine montée. Oui, qui est en pleine montée. Les deux polos, les Kings de Buisson, là, qui sont là, puis effectivement, ces deux-là, on peut pas demander mieux, deux boxeurs, deux cogneurs, puis deux gars, tu sais, on regarde Wilder, c'est le champion du monde WPC, et Joshua, champion du monde des trois autres ceintures. C'est la première fois de l'histoire qu'il va avoir les quatre ceintures en jeu. Donc, pour les polos, on sait que ça a rattalisé, peut-être dans le temps de Klitschko, mais là, il y en avait un qui en avait trois, puis l'autre, le frère, il en avait l'autre. Fait que là, ça ne pourra pas arriver. Là, c'est vraiment le cas est là, la situation est là. Et on sait qu'avec deux gars comme Joshua et Wilder, deux boxeurs ultra puissants, toute leur carrière est basée sur les knockouts, deux boxeurs invaincus, ça va être tellement intéressant, ça va tellement faire parler. Il y a les polos et les autres. C'est sûr que là, en plus, le fait que Wilder est un Américain, souvent, à cause des criticaux, c'est passé beaucoup en Europe dans les dernières années, dernières décennies. Mais là, le fait que Wilder est un boxeur américain, mais ça va être vraiment là, les deux continents, l'Europe et l'Amérique, ça va faire jaser. Là, et même les gens qui n'aiment pas la boxe vont vouloir voir ça puis s'informer de qu'est-ce qui se passe. Donc, pour nous autres, au niveau marketing, on peut pas bien demander mieux. Oui, effectivement. Qui tu favoriserais, hein, au départ? Moi, je pense sincèrement que Joshua devrait battre Wilder. Okay. Je peux pas voir Wilder battre. Et Wilder, c'est un grand boxeur élancé. Lui, c'est sûr qu'il va avoir intérêt à garder Joshua à distance, mais Joshua est très fort physiquement, très massif. On l'a vu faire mal à Klitschko, on l'a vu faire mal à ses adversaires. Moi, j'ai l'impression que Wilder va être dans la troupe, parce que Wilder, habituellement, back sur le ring, puis il est largement favori. Dans ce cas-là, j'ai l'impression que c'est Joshua qui va être favori. Et j'ai l'impression aussi que la puissance de Joshua va faire en sorte que Wilder ne pourra pas imposer son style. Et ça, ça va pouvoir faire la différence pour Joshua. Hey, Bernard, mais ça va être tout un combat, mon Danny. Ouais. Faut pas manquer ça. Bernard, en terminant, je veux te parler, je suis en train de l'oublier, votre décision d'Arthur Beterbiev. Vous avez gagné finalement. Beterbiev est en attente de 3 ans encore avec vous. Pour vous, c'est une merveilleuse nouvelle. Ah, sans aucun doute. Écoute, quand on fait signer des contrats, Danny, tu sais, il y a des avocats qui passent par-dessus ça. Nous autres, ça fait des années qu'on est dans cette industrie-là. Donc, on est pas mal solide et ils vont assez d'expérience, Yvon Michel, pour faire en sorte que le combat soit respecté. Là, il y a eu des petits accrochages sur le contrat, mais pas des rien de majeur. Et Beterbiev a tenté de se servir de ça pour sortir du contrat, parce que sûrement qu'il doit en avoir des offres intéressantes. Il doit y avoir beaucoup de personnes, de gros promoteurs qui, dans le moment, ils font miroiter énormément de millions. Donc, il y a peut-être eu une possibilité de lui te flayer. Mais d'un autre côté, tu signes un contrat, il faut que tu le respectes. Donc, jusqu'en 2021, il est lié à nous. Là, la décision nous a été favorable. Il a décidé d'aller en appel et la vie continue. Nous, c'est certain qu'on aimerait bien, surtout qu'il est entraîné par Marc Ramsey, bon, un gars du Québec, un gars de Montréal, puis un gars qui a une méchante belle job. Ben, c'est certain qu'on aimerait mieux le garder à l'entour, mais là, qu'est-ce que tu veux? On va suivre. On trouve ça juste malheureux parce que là, il perd des belles années de sa carrière. Ben oui, ben oui. Avec des choses qu'on n'avait pas besoin de personne. Effectivement. Bernard, gros merci. On s'en reparle la semaine prochaine. Steve Boissé, la semaine prochaine contre Jean-Pascal. C'est un autre combat qui va faire parler. Oui, mais la semaine prochaine, il y a un gala au casino aussi, au casino de Montréal, de Eye of the Tiger, ouais. Mathieu Germain. Et dans 2 semaines, on aura Pascal et... C'est vrai, c'est 29 jours, je pense. Okay. Oui, c'est dans 2 semaines, on en parle déjà beaucoup. Hein, fait que ouais. Je te comprends, Danny, d'avoir un petit peu appréhendé que ça s'en venait plus rapidement, mais c'est seulement dans 2 semaines. OK, on s'en reparle de toute façon. Bernard Barry, notre collaborateur de boxe.